L'humain noirci par l'argent, j'dans le nuage de fumée. La porte tu laisses ouverte, j'te rejoins dans la nuit. Dans mes bras jusqu'au matin, j'veux plus changer d'avis. Ça durera toute une vie, j'veux plus changer d'avis. Loin du monde, ça changera nos humeurs. J'étais dans l'ombre avant de voir la lumière. Désolé si j'suis pas romantique. Remercie-moi de rester authentique. Elle veut les diamants, pour ça j'ai rien. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. Elle veut les diamants, pour ça j'ai rien. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. J'suis à deux doigts de me faire du mal. Deux doigts de me faire du mal. Y'a pour eux que j'suis sans pitié. Moi j'suis sans pitié. Trahi par l'omerta. J'laisserai personne nous juger. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. Elle veut frapper ou ça fait mal. Elle veut m'analyser. J'suis quelqu'un d'impulsif, mais j'apprends à me canaliser. On part pour faire les choses bien. Y'a pas de je t'aime pour de faux. Je veux que tu sois solide et t'acceptes tous mes défauts. Blessures de guerre sont immortelles. C'est pour la vie. Pourtant je déplacerai des montagnes. Le jour la nuit. Je répondrai toujours à l'appel. Quand il arrive. Rien n'est trop cher sur l'offre du montagne. Elle veut les diamants, pour ça j'ai ramé. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. Elle veut les diamants, pour ça j'ai ramé. T'es comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. J'suis à deux doigts de me faire du mal. Deux doigts de me faire du mal. Y'a que pour eux que j'suis sans pitié. Moi j'suis sans pitié. Trahi par l'omerta. Trahi par l'omerta. J'laisserai personne nous juger. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. À cœur ouvert. On s'éloigne trop. Ça résout rien. Si on se blesse avec des mots. À cœur ouvert. On s'éloigne trop.